Aussi vrai qu'il suffit d'une arme pour deux gosses se butent. Pour se rassurer face à leur miroir, beaucoup mentent. La sincérité, un kilo de plomb face à une tonne de plumes. On verra bien ce qui se passe au prochain coup. Aussi vrai qu'il suffit d'une arme pour deux gosses se butent. Pour se rassurer face à leur miroir, beaucoup mentent. La sincérité, un kilo de plomb face à une tonne de plumes. On verra bien ce qui se passe. On vient plonger les deux pieds dans le plat. Ce cœur est cassé, gros, je le plate. Trop but et je vais foncer dans le tas. Mais ma morphe comme un groupe de schlag. Hey. Au fond de moi, j'ai qui crée ma rage, gars. Mais je préfère kicker sale plutôt qu'écrase. Et des bouches sur l'asphalte, bouche trace 3. Pas tous les soirs, mais ça m'a fait manquer. J'ai le bosser en passoire. À force de vouloir toujours trop me calmer. À me canaliser, tu renfermes trop de paille et de putain petit feu. Trop démoralisé pour paraître un minimum heureux. À prier, t'espères avoir une vie douce prospère. C'est bien d'être rempli de projets, mais ça fait mal quand tout merde, frère. Je m'enterre sec quand je gratte, cesse que de phrases bâtard. Je reste pas presque, l'approche la dévore comme un bout de barbac. Écoute, ça tape, les doutes, ça part. Écrasé par ma con, si je fais les comptes dans le rouge, ça part. On aura fait plus d'une fois les 100 pas, mais peu de soirées sans boire. La morale, c'est brûler dans sans spark. De toute façon, je gratte pas de femme. Aussi vrai qu'il suffit d'une arme pour deux gosses se butent. Pour se rassurer face à leur miroir, beaucoup mentent. La sincérité, un kilo de plomb face à une tonne de plumes. On verra bien ce qui se passe au prochain coup. Aussi vrai qu'il suffit d'une arme pour deux gosses se butent. Pour se rassurer face à leur miroir, beaucoup mentent. La sincérité, un kilo de plomb face à une tonne de plumes. On verra bien ce qui se passe. Minable au possible. Soit je finance mes races au proxy. Au beau fixe, c'est pas le climat, mais le place dans ta truc toxique. Ça taxe tout pas gros. Faut fêter les dorsaux. Chaque jour à la salle, je le jure sur les bras des toxos. Stick et saï, c'est sec et soum. Shit escalier, fils des saouls. Vite déraillé, crée des souks. Les puffs de la FDJ s'ouvrent. Comme dit souvent, putain. Merde, ça va me revenir. La divisité souffrance. Ils crèvent de froid devant des appartes vides. La part de vie est entamée, mais bon. À côté de mes pompes, saute sur un fil quand les deals se répandent. Il serait temps d'avancer sans retour, parentification, donnant des grands qui tant d'instants redoutent. Je relis peu, mais t'as pu remarquer que la plume est dodue. Grand vide que je ressens, je changerai pas s'ils sont plissés de vos thunes. Prends vite des notes, vu qu'on n'a peut-être pas ton tanga. Pétasou dans son tanga, on gère vu que sous fond c'était bancal. Aussi vrai qu'il suffit d'une arme pour deux gosses se butent. Pour se rassurer face à leur miroir, beaucoup mentent. La sincérité, un kilo de plomb face à une tonne de plumes. On verra bien ce qui se passe au prochain coup. Aussi vrai qu'il suffit d'une arme pour deux gosses se butent. Pour se rassurer face à leur miroir, beaucoup mentent. La sincérité, un kilo de plomb face à une tonne de plumes. On verra bien ce qui se passe.